Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Si je vous dis que c'est un écrivain, chantre de la Lorraine et surtout des femmes, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres et ancien président du jury du prix Erckmann Chatrian, qu'il a reçu de nombreux prix pour ses ouvrages, je pense que vous aurez tous reconnu mon invité du jour. J'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Gilles Laporte, qui vient nous parler aujourd'hui de son dernier roman publié, Boulevard des Pyrénées, édité chez Genèse Éditions. Bonjour M. Laporte. Bonjour Mona. Comme ma présentation étant un peu réductrice, pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Ah, parler de soi, c'est toujours un problème, une question un peu compliquée à laquelle il faut répondre. Mais enfin bon, je vais essayer de la simplifier. Je suis Vosgien, je suis originaire de village à côté d'Épinal, Igné, entre Épinal et Charmes. Je suis issu d'une famille d'ouvriers, de filature. Tout le monde était ouvrier dans ma famille. Mes parents, sœurs, beaux-frères, tantes, cousins, cousines, même grand-père, grand-mère. Et je continue cette lignée d'ouvriers puisque je me considère non pas comme un écrivain mais comme un ouvrier des lettres. Parce que comme eux, je prends le travail tous les matins à 5h. Ils le prenaient à 5h à l'usine. Moi, je le prends à 5h dans mon petit bureau, à mon ordinateur et j'écris. Et j'écris aussi longtemps que le matin, ils arrêtaient à 1h de l'après-midi, j'arrêtais à 1h de l'après-midi. Sauf quand je viens vous voir et que j'ai le plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, ce sont mes origines. Je suis très attaché d'une part à mon pays, d'autre part à cette, pas parler de classe, mais à cette culture ouvrière qui m'est très très chère et qui m'est complètement, comment dire, constitutive. Voilà. J'ai fait des études de philosophie ici à Nancy, grâce à toute une succession de maîtresses d'école et de professeurs. Je ne rendrai jamais assez hommage aux maîtresses et maîtres d'école du primaire, aux professeurs du secondaire et professeurs d'université. J'ai eu la chance d'avoir en permanence, toujours, tout le long de mes études, des enseignants de très grande qualité, de très grande générosité, qui avaient à la fois une tête, oui, bien sûr, mais aussi un cœur. Et ça, c'est très important. Donc, je suis le fruit de tous ces gens-là, ces ouvriers, ces enseignants. Ma première maîtresse d'école, tiens, j'ai envie de citer son nom, parce qu'elle a été, capitale dans mon orientation. Elle s'appelait Madame Jungen. C'est elle qui m'a appris à lire et à écrire, et elle a fait plus que ça. Elle m'a invité, comme elle l'a fait avec tous les enfants de l'école, à partager l'amour de la langue. Elle m'a fait découvrir les subtilités, les harmonies, les profondeurs, les beautés de la langue française. Et je suis tombé amoureux, peut-être un peu de la maîtresse, mais surtout de la langue. Et elle m'a permis de décrocher au cours élémentaire première année, à moi qui étais fils d'ouvrier, chez lequel il n'y avait pas de livres, parce qu'il était les livres dans ce milieu, c'était presque interdit. Hein. Lire était une occupation de fainéant dans ce milieu ouvrier. Donc, j'avais pas de livres, sauf que lorsque j'ai reçu le prix de lecture au cours élémentaire première année, grâce à Madame Jungen, j'ai reçu mon premier livre, Le Don Quichotte de Cervantes, que j'ai lu des dizaines, des centaines de fois, que je relis encore de temps en temps. C'était une édition illustrée pour enfants, et je me suis juré dès cette époque-là que si je le pouvais un jour, j'écrirais des histoires comme celle-là. Donc voilà, c'est... En résumé, donc ensuite études de philosophie ici à Nancy avec le professeur Raymond Ruyère. Là aussi j'aime le citer parce que c'était un professeur absolument extraordinaire qui savait montrer à tous ses étudiants combien à chaque fois que l'on progresse, ce que l'on croyait être sa limite, l'horizon, recule, qui savait élargir l'espace, qui savait montrer que on a de limites que les limites qu'on veut bien se donner soi-même et qu'il faut toujours aller au-delà. Au-delà des limites, donc au-delà de soi. Voilà, j'aime leur rendre hommage, c'est pour moi essentiel. D'accord. Alors, comment vous écrivez ? Vous avez un rituel ou des rituels ? Ah mon Dieu, plein. Oui, j'écris, je le dis toujours le matin, j'ai besoin de la lumière montante pour écrire. Bon, c'est de l'énergie montante, j'ai donc besoin du lever du jour. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Et puis... Bon, allons dans les confidences. Hein. Je suis toujours en blanc lorsque j'écris. Je ne peux pas écrire si je ne suis pas en tenue blanche, des pieds à la tête. Non pas par espèce d'élégance un peu particulière, j'en sais rien. Non, je crois pas. Non, je suis sûr que c'est pas ça. Je suis certain que c'est parce que Et ça, je le dois à mes professeurs de philosophie et de physique aussi, parce que c'était une découverte lorsque j'ai découvert, grâce à la roue de Newton, que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mélangées donnaient du blanc, et que le blanc était non pas une couleur, mais la synthèse de toutes les autres. Je me suis dit que oui, là, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ce blanc. J'ai besoin que mes mots expriment une sorte de synthèse, et non pas des antithèses, et non pas des oppositions. J'ai besoin que mes mots expriment le rassemblement, l'harmonie. D'accord. Et ça, pour moi, c'est très très important, c'est fondamental. Donc lorsque je suis à ma table de travail, je suis toujours en blanc, j'ai quitté ma tenue blanche tout à l'heure pour venir vous voir, et lorsque je vais en rencontre d'électrices et lecteurs, lorsque je vais faire mes courses, lorsque je vais à la poste, lorsque je viens ici vous rencontrer, je suis en noir, mais avec toujours, toujours du blanc autour du cou, parce que je ne peux pas me passer de blanc. Alors vous fréquentez de nombreux salons littéraires. Et puis il y a un autre rituel très important, la musique. La musique, je commence toutes mes journées de travail avec une femme, elle s'appelle Hildegard von Bingen, c'est une remarquable compositrice, poète, botaniste du Moyen-Âge, du XIIe siècle, et elle a écrit des mélodies pour les voix féminines qui sont absolument extraordinaires. Donc c'est elle qui m'aide à poser les premiers mots sur mon clavier tous les matins, et après une bonne heure avec Hildegard, je passe à Frédéric Chopin, que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai une affection particulière et dont j'ai écrit la biographie. Alors je disais, vous fréquentez de nombreux salons littéraires. Vous serez d'ailleurs l'invité d'honneur du 4e salon du livre qui se tiendra le 7 février à la MJC de Saint-Nicolas-de-Port. Avez-vous besoin de contact avec le public, avec votre public ? Ah oui, c'est essentiel. C'est essentiel. L'acte d'écrire, c'est un acte éminemment solitaire. Je suis seul et enfermé, là, mis à part mes poules et mon coq que j'aperçois devant moi dans la campagne, là, lorsque j'écris, et mes chats qui sont autour de moi. Mais j'ai besoin du contact avec les lectrices et les lecteurs, j'ai besoin du contact avec mes contemporains, avec ceux qui vivent autour de moi, qui partagent à la fois les enthousiasmes, les angoisses aussi de notre époque, qui partagent les réflexions, les coups de cœur et même les colères. Aussi, parce qu'on a 50 000 fois par jour l'occasion de se mettre en colère contre des décisions qui sont prises par de prétendus gouvernants de toutes couleurs. Donc tout ça fait que c'est pour moi indispensable, cette rencontre permanente. Et puis avoir le retour sur les textes que j'écris, les impressions de lecture. Tout ça est très important. Non pas que j'écrive pour, en pensant au public et à ses réactions, mais j'ai besoin de cette recharge d'énergie que constitue pour moi la réaction d'une lectrice ou d'un lecteur. Quand on me dit « Ah, j'ai aimé votre livre », bon, ça me permet d'écrire 3 pages supplémentaires le lendemain matin. Quand on me dit « J'en ai appris des choses dans votre roman, j'imaginais pas que », là aussi, je me dis que ça n'a pas été inutile et que je n'ai pas passé des heures, des semaines, des mois à ma table de travail tout seul pour rien. Donc oui, j'ai besoin de ce retour, il est pour moi essentiel. Alors avant d'aborder le thème de votre roman, nous allons faire une première pause musicale. Vous avez choisi donc Chopin. Avec Monsieur Laporte. Pouvez-vous nous résumer Boulevard des Pyrénées ? M'impressionner en disant Monsieur Laporte, hein, c'est Gilles tout simplement. D'accord. Alors, Boulevard des Pyrénées, quelle est cette histoire ? C'est le roman qui est sorti chez Genèse Éditions en septembre dernier. J'ai imaginé tout simplement, parce que comme vous l'avez dit, je fréquente beaucoup les salons du livre, j'y suis invité un peu partout en France, Et j'ai imaginé un romancier qui me reconnut, qui arrive dans la ville de Pau pour le salon du livre qui se tient fin novembre. Pourquoi Pau ? Parce que je connais un peu cette ville. L'une de mes filles habite à côté de Pau et je suis tombé amoureux de cette ville parce qu'elle a un passé riche, une belle histoire. Et elle est riche d'un boulevard qui fait peut-être 2 kilomètres de long, qui est un véritable balcon qui tombe à pic sur la vallée du Gave, mais qui, de l'autre côté de la vallée du Gave, ouvre sur la chaîne des Pyrénées tout entière. C'est magnifique. C'est un spectacle sans cesse changeant. Les lumières changent de seconde en seconde sur ces montagnes. C'était vraiment extraordinaire. Donc je suis tombé amoureux du lieu et je me suis dit que j'allais implanter là l'action d'un roman qui raconte l'histoire d'un écrivain qui arrive à Pau pour le salon et qui, au moment de descendre du train, croise dans l'allée centrale de la voiture, croise une femme en noir, très très belle femme, très distinguée, très classe, et qui lui glisse en passant devant lui « à bientôt peut-être ». À bientôt, peut-être. Il est profondément troublé par ces quelques mots. Gagne son hôtel et puis le lendemain va tenir sa place au salon du livre. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'elle apparaisse, c'est qu'elle revienne, c'est qu'elle vienne le voir. Elle a dit à bientôt. Elle ne se pointe devant lui qu'à la toute dernière minute, alors que le libraire est déjà en train de remettre les livres dans les cartons et qu'ils sont prêts à quitter le Palais Beaumont, ce lieu aussi magique qui clôt le boulevard des Pyrénées tout en haut. Elle apparaît et c'est le choc. C'est le choc au point qu'il se dit qu'il ne va pas pouvoir la quitter comme ça, c'est pas possible. Ils échangent 3 mots et il l'invite à dîner. Et ils vont partager un dîner dans un restaurant proche. Ils commencent à se nouer entre eux une relation très très particulière. Une relation qui va les inviter à se retrouver sur le boulevard des Pyrénées. Alors qu'il y a une particularité. Lui, il fait 2 kilomètres de long à peu près. Et il domine la vallée du Gave. Et pour ne pas tomber, là, parce que c'est une vraie falaise, il y a une balustrade qui est marquée à intervalles irréguliers d'une cinquantaine de repères. De repères qui, si on aligne ces repères avec le paratonnerre de l'usine de tramway qui se trouve en face et au fond de la vallée, permet de reconnaître les sommets des Pyrénées, les lieux les plus importants des Pyrénées. Donc on prend la visée, une cinquantaine de stations. De station découverte, mais que cette rencontre va transformer en station découverte de soi-même. Parce qu'elle va l'interroger, cette femme, sur son écriture, pourquoi il écrit, comment il écrit. Et puis, elle va lui faire des confidences, lui dire qu'elle travaille pour une compagnie internationale qui s'occupe, le sujet est au goût du jour, qui s'occupe d'intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler en ce moment parce qu'il y a un robot qui a battu un champion du jeu de Go. Mais on avait déjà eu le robot Watson qui avait battu le champion du monde russe des échecs il y a quelques années. Donc c'est un vrai sujet qui me préoccupe. Donc je l'ai mis dans ce roman et ils ont des échanges sur ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est jamais que la répétition, la reproduction de l'intelligence humaine, parce que la machine ne pense pas par elle-même, elle ne fait que régurgiter ce qu'on lui a fait ingurgiter. Enfin, ça c'est mon avis, les scientifiques disent autre chose. Donc c'est ce premier thème, le deuxième thème c'est celui de la liberté individuelle. Bon, enfin quand même, dit-elle à cet homme-là, supposez que vous appuyez à la rambarde, à la balustrade, elle cède et vous tombez de 15 mètres. Vous vous en sortez, vous êtes blessé, cassé, mais vous en sortez. Comment réagissez-vous ? Il dit que je dépose plainte contre la ville de Pau qui a mal entretenu son matériel. Il dit, vous prétendez que vous êtes libre ? Parce que quand il lui a dit, pourquoi écrivez-vous ? Il a répondu, j'écris pour me prouver que je suis un homme libre. Et vous prétendez être libre, et vous allez porter plainte. Et vous êtes une victime, la victime de tout le monde. On vous bouscule dans la rue, vous êtes victime de celui qui vous a bousculé. Comme nos contemporains, il n'y a plus que des plaques d'avocats sur les façades de maisons en ville, lui dit-elle. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et il se dit, mais c'est peut-être vrai. Alors, il faut choisir. Ou on est libre, ou on est victime. On ne peut pas être les deux. Victime quand ça nous arrange, et libre quand on veut s'affirmer en tant que tel. Non, on est libre ou on est victime. Choisissez. Et puis, le troisième sujet, bah, c'est l'éternel sujet de la relation homme-femme, quand même. C'est une relation intellectuelle, affective et amoureuse. Et, parce qu'elle va l'inviter à s'explorer lui-même. Comment fonctionnez-vous par rapport aux femmes? Et elle va, non pas le provoquer, mais lui proposer d'aller jusqu'au bout de cette relation, y compris dans la relation physique. Mmh. Et là, il va se découvrir réellement. Là, il va faire des découvertes le concernant, éblouissantes. Un peu terrifiantes aussi, parce qu'il s'aperçoit qu'il a tendance à prendre les femmes pour des objets, pour des soutiens de plaisir particuliers. Et elle va lui dire, enfin non, bon, ça c'est... Non. Oui, alors en fait, moi je trouve que votre héros, qui a une femme plutôt solaire, est subjugué par une femme qui est très très belle, mais qui s'emploie à jouer les mystérieuses. Oui. Il faut piquer la curiosité des hommes pour séduire. C'est possible, oui, oui, oui. Oui, il faut donner à l'homme l'impression qu'il découvre. Même s'il ne découvrira rien, lui donner l'impression qu'il va découvrir, lui donner l'impression qu'il est une sorte d'explorateur, de conquérant. Ouais. Mmh. L'homme est animé d'un esprit de conquête qu'il manifeste en permanence dans cette relation avec la femme en général, mais qu'il manifeste en permanence dans le monde aussi, en voulant les premières places, en voulant être l'élu, en voulant être le président de tous les présidents, en voulant être le propriétaire de toutes les propriétaires. Enfin bref, l'homme mâle est un conquérant permanent, ce que n'est pas la femme, par nature, en tout cas c'est ma pensée profonde. Et oui, qu'elle l'invite à la conquérir par l'affectation d'une certaine forme de mystère, oui, ça c'est vrai. Oui, mais je trouve aussi qu'elle est manipulatrice, voire même un peu vénéneuse. C'est une combinaison d'étonnante et donc irrésistible. Je n'emploierai pas le mot vénéneuse. Tu dis un peu. Oui, même un peu. Non, elle est très habile. Oui, mais c'est pour... Elle est très habile. Et elle est très habile dans ce jeu qui va inviter ce gars qui se croit tout permis, parce qu'en plus il est écrivain, alors rendez-vous compte. Rendez-vous compte, quand on est dans les salons et qu'on voit comment se comporte le public devant les, entre guillemets, écrivains. Moi, je ne suis pas un écrivain, je suis un ouvrier des lettres, je l'ai dit et je le répète, un ouvrier des lettres. Mais le comportement des visiteurs devant, des femmes surtout, devant les, il y a une espèce d'aura qui plane autour de ceux qui écrivent et qui donne l'impression de fasciner celles et ceux qui viennent les voir. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est incompréhensible et que je ne supporte pas. Donc elle va donner l'impression d'entrer dans ce jeu-là. Lui, il va se sentir conforté dans cette impression de supériorité permanente, lui qui manie la plume. Mais elle va bien vite lui montrer que qu'est-ce que c'est que cette supériorité de carton-pâte, de paille. Donc c'est pas de la perversion, c'est pas quelque chose de négatif, de noir, même si elle est toujours en noir. C'est quelque chose de très positif, au contraire, c'est du féminin qu'elle instille dans le masculin pour lui faire prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il pourrait être. Alors dans ce livre, vous jouez, vous représentez dans le héros utilisation du jeu, c'est un écrivain qui rend hommage aux femmes, porte d'une longue écharpe blanche, ça vous amuse de mystifier votre lectorat? Parce que je pense que beaucoup vont se poser la question de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bien de vos confrères journalistes me recevant à radio et à télévision ont commencé par l'entretien par cette question-là, ce constat-là, bah dites donc, vous en vivez de belles, vous, pendant les salons. Ah non, moi j'ai bien pensé que vous nous mystifiez, enfin qu'il y avait une part, vous jouez. Non, ça n'a rien d'autobiographique là-dedans, ça, je tiens à l'affirmer, sauf le rapport à l'écriture. Bon, il me fallait comme héros, quelqu'un qui écrit. Je voulais pas aller chercher, me casser la tête, à aller trouver ailleurs un exemple. Bon, j'écris et je me suis un peu mis en scène là-dedans pour ce qui concerne l'écriture. Les rituels d'écriture, on en a parlé. La tenue, la manière d'être, le rapport à l'écriture. Et ça m'a amusé de me faire questionner moi-même par cette femme. Parce que les questions qu'elle pose à ce gars, c'est à moi qu'elle les pose. Oui, c'est ça. Et c'est une, pour moi, ça a été une forme de, j'allais presque dire, de démarche initiatique. Cette héroïne purement fictive m'invite à descendre un peu plus profondément en moi, moi qui écris, voilà. Alors, dans tous vos romans, vous abordez la place des femmes dans la société. Oui. Comme Aragon, vous pensez que la femme est l'avenir de l'homme ? Oh ben, j'en suis persuadé, bien sûr. Oui, oui. Elle est l'avenir de la société. Elle est l'avenir de ce monde. C'est par elle que passera tout ce qui permettra de sortir de l'impasse dans laquelle le pouvoir des hommes nous enferme. La femme n'est pas portée naturellement vers l'affrontement, vers la guerre. La femme n'est pas portée volontairement, naturellement vers la mort. Elle est portée vers la vie. C'est elle qui la porte, c'est elle qui la transmet, c'est elle qui l'entretient. C'est elle qui transmet les valeurs essentielles de générosité, de cœur, d'ouverture, de respect de l'autre. C'est pas l'homme. L'homme fait tout le contraire. Donc oui, la femme est cet être privilégié qui permettra au monde d'évoluer, à condition que celles qui prendront les commandes ne reproduisent pas le schéma des hommes. Bon, parmi nos gouvernants aujourd'hui, il y a des femmes, mais j'ai beaucoup de mal à reconnaître le féminin chez elles. Oui, on est bien d'accord. Bon, je ne veux pas citer de nom, mais je ne vois pas de féminin dans le comportement de certaines femmes ministres qui se comportent de manière peut-être plus absolue encore et plus conquérante que certains hommes de pouvoir. Donc oui, la femme, j'en suis persuadé, est l'être par lequel passera l'évolution, la révolution positive et généreuse de notre société. C'est gentil pour les femmes. C'est gentil si vous voulez, c'est réaliste. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'en suis persuadé. D'accord. Alors à un moment, le héros dit qu'il ne supporte pas le mensonge. Et vous, en tant qu'homme, vous ne supportez pas le mensonge Non, je ne supporte ni la violence ni le mensonge. Le mensonge étant une forme de violence. Ça m'est insupportable. D'accord. Alors, de là découle tout ce qui m'est insupportable, à savoir le mensonge en politique, le mensonge en affaires, les manipulations. Mon héroïne manipule. Bien sûr. Son vis-à-vis, là, ce gars qui écrit. Mais elle ne lui ment pas. À aucun moment, elle ne lui ment. Non. Par omission, peut-être, des fois, un peu. Même pas. Non, je crois pas. Ou alors des fois, elle ne répond pas aux questions. Ah, bah, le silence n'est pas forcément un mensonge. Oui, c'est vrai. Le silence n'est pas forcément un mensonge. Il est même peut-être, parfois, le plus souvent, la preuve du respect de l'autre. Donc, oui, je n'aime pas le mensonge, je ne supporte pas le mensonge. Et bien sûr, les menteuses et les menteurs. Bon, écoutez, le temps passe très très vite avec vous. Nous allons faire déjà la deuxième pause. Déjà ? Oui, la deuxième pause musicale. Nous allons écouter Les Loups de Serge Reggiani. Ah. Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana... Pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie. Les loups. Alors Gilles, puisque maintenant je vous appelle Gilles. Mais bien sûr, Mona. Parlez-nous de votre actualité et de vos projets. Vous venez de sortir, je crois, le troisième exemplaire de la trilogie, qui était. Alors il y avait Les Fleurs à l'encre violette en 2013, oui. La Clé aux âmes en 2014, oui. Et donc vous avez sorti aussi L'Étendard et la Rose en 2015 auprès oui. de la Cité. Auprès de la Cité, oui. C'est une grande saga, une grande aventure familiale et sociale qui commence en 1873 avec Des Fleurs à l'encre violette, dans lequel je raconte, je pars de l'histoire d'une femme qui rêvait de devenir maîtresse d'école à la fin du 19e siècle, qui ne pourra pas l'être pour deux raisons. La première, c'est que les filles n'allaient pas forcément facilement faire des études en ce temps-là. J'ai publié aussi la biographie de Julie-Victoire Daubier, la première bachelière de France, qui montre à quel point il a fallu se battre au XIXe siècle pour que les filles puissent aller à l'école. Donc je pars de ce constat-là, et cette femme ne sera pas institutrice parce qu'elle n'a pas fait d'études, et en plus, et c'est peut-être la première raison d'ailleurs, parce qu'elle s'est trouvée enceinte avant le mariage, et qu'elle a été chassée par sa famille, il a dû qu'elle survive, et là, elle est devenue ouvrière, et elle a deux enfants, dont le cadet qui va entrer à l'école normale d'instituteur et devenir ce qu'elle aurait rêvé d'être. Donc avec lui et avec elle, on suit l'évolution de cette passion pour l'école dans la République naissante, la Troisième République. Ce premier roman se termine en 1923, donc juste après la Première Guerre mondiale qu'on traverse, et le suivant, la clé aux âmes, prend le relais en 1925 et jusqu'en 1954, où on retrouve cette femme qui a bien vieilli, et puis ses enfants, et puis d'autres membres de la famille, et puis d'autres personnalités qui viennent nous aider à traverser l'entre-deux-guerres, avec aussi, là, dans les pas des femmes, comment la condition de la femme a évolué après la Première Guerre mondiale, comment elle a su subtilement, là encore, faire évoluer la société en se faisant couper les cheveux et en renforçant, en même temps qu'elle jouait sur ce symbole éminemment masculin, des cheveux courts, elle jouait sur la féminisation encore plus marquée de sa tenue. Les tenues de l'époque sont très féminines. Donc elle jouait sur les deux symboles à la fois, et on va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qu'on traverse, là encore, je mets l'accent sur les tragédies, les malheurs, les misères, les souffrances qu'ont subi les femmes pendant cette Seconde Guerre mondiale. On l'oublie un peu trop souvent pour se concentrer sur l'héroïsme des hommes. Mais les femmes ont le leur d'héroïsme, qui est beaucoup plus discret, mais qui est peut-être encore plus douloureux que celui des hommes. Donc le troisième volet de cette grande saga, qui commence en 1955, s'achève en 1984. Il est sorti, là, vous lisiez, en avril 2015, et il s'intitule « L'étendard et la rose ». C'est la traversée presque de notre temps. En tout cas, de ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, avec les Trente Glorieuses, avec 68, avec la montée, l'explosion de la société de consommation qui fait de nous, malheureusement, avant tout du gibier pour marchands, pour grands marchands internationaux. Donc oui, il y a ça. Et puis, il y a comme vous avez programmé Les Loups de Reggiani, il y a comme avenir proche, là, le 10 mars sort mon nouveau roman aux presses de la Cité, qui s'intitule Sous le regard du loup. Oui, Sous le regard du loup. C'est presque de nos jours, 1976-77. Ça se passe en Lorraine. Il y a une bête non identifiée qui terrorise les populations de la campagne parce qu'elle attaque les brebis, les agneaux, les veaux, même les génisses, même dans certains parcs. Personne n'a pu la voir, mais il y a des victimes quasiment tous les jours. Donc notre pays est pris d'une sorte de frénésie, à presque dire d'hystérie collective, qui va mobiliser toutes les institutions, les associations, les fédérations de chasse, la préfecture, l'armée, et qui va mobiliser toute la presse, non seulement régionale, mais nationale, voire internationale. Donc, c'est cette sorte d'hystérie, la rumeur que je décortique, et cette sorte d'hystérie collective que j'essaie de démonter grâce au regard d'une femme. Là encore, c'est une jeune femme qui fait des études de philosophie à Nancy, et elle a une vingtaine d'années, et qui dit à tous ces hommes déchaînés, complètement hystériques, leur dit, écoutez, les mecs, non, arrêtez, quoi. Le loup que vous cherchez, le loup que vous chassez, le loup que vous voulez tuer, cette bête que vous voulez éliminer, elle est en vous, elle n'est pas ailleurs. Donc, voilà, c'est l'avenir proche, sous le regard du loup, auprès de la Cité. Écoutez, monsieur Laporte, c'est vraiment un plaisir de vous écouter. J'avais encore plein de questions, mais malheureusement, l'émission est déjà terminée. Bon, on prend une demi-heure de plus. Vous serez condamné à revenir une autre fois. Quelle condamnation, j'accepte. Là, je vais bien me faire couper la tête une deuxième fois. Alors, merci à vous, Géraldine Laporte. Merci, Mona. Merci vraiment du fond du cœur. Alors, au revoir à tous et à bientôt. À Saint-Nicolas-de-Port. À Saint-Nicolas-de-Port.